L'homme le plus habile s'arrêta sur un promontoire rocheux, son chien s'étant couché, pattes et museau, pointant vers un petit bois touffu juste en contrebas. Il vit une trouée imprécise, des branches cassées, des feuilles arrachées. Ils avaient retrouvé la trace de la jeune fille. Enfin! Il siffla une longue note modulée, les mains en porte-voix, bientôt suivie d'une réponse lointaine. Il s'accroupit dans l'attente de ses compagnons, flattant d'une main distraite la tête de son chien. Anna se réveilla brutalement, secouée par un énorme frisson qui la fit puissamment éternuer. Forcément, elle avait pris froid dans ses vêtements trempés. La faim aussi lui tenaillait les tripes. Nan fut immédiatement averti par ce bruit tonitruant, rebondissant sur les parois. Il s'ébroua avant de prendre une grande inspiration et pousser son cri. I-an, i-an, i-an, i-an. Anna ne pouvait pas le rater, c'était Nan. Il était le seul âne qu'elle connaissait avec cet accent bizarre. Elle se mit debout et regarda là-haut. Nan, cria-t-elle, c'est toi? Oh, Nan, je suis si contente de te voir. Comment m'as-tu retrouvée? Elle en pleurait de joie. Nan lui aussi était ému et brailla de plus belle, pointant ses longues oreilles vers la voix. Les deux amis se calmèrent. Anna examina attentivement tout ce qui l'entourait. Elle vit que l'eau avait fortement baissé, laissant apparaître une sorte de corniche partant de la plaque où elle s'était endormie et filant le long de la paroi jusqu'à la gueule du monstre. Nan, je dois absolument sortir d'ici avant qu'il ne fasse noir. Mon briquet est trempé. Je ne peux pas grimper, c'est trop haut. Nan, je vais marcher sur ce rebord. Va par là, dit-elle en allongeant son bras, un doigt pointé dans la direction de l'ouverture. Allez, Nan, s'il te plaît, par là, répéta-t-elle haut et fort. Nan se mit lentement en branle le long du gouffre, toujours accroché à cette longue bande de terre. Maintenant parsemée d'affleurements rocheux, elle descendait jusqu'au bord inférieur du gouffre. Oui, c'est ça, continue Nan, encore un effort. Mais Nan s'arrêta. Il avait peur. À l'endroit où il aurait dû tourner pour se positionner au-dessus de l'ouverture, il n'y avait plus que de noirs rochers pointus et menaçants. Il se remit à braire comme un damné. Flûte et flûte! Cria Anna, des larmes de désespoir et de fatigue lui montant aux yeux. Je sais bien, tu n'es pas un bouquetin. Ce n'est pas de ta faute. Si au moins tu pouvais me dire ce que tu vois de là-haut, hein? Elle se laissa tomber au sol, de grosses larmes roulaient sur ses joues écorchées. Elle resta ainsi un petit temps, Nan aussi, coincée au bout du bout. Ce côté-ci était nettement moins haut, cependant il ne se risquerait pas à sauter, il voyait bien l'eau et les rochers en bas. Elle releva la tête, apercevant la croupe immobile et rebondie de Nan, et l'allonge. Elle l'aimait toujours très longue, qui pendouillait dans le trou, à 1,50 m ou plus, au-dessus de la corniche. Mais oui, si j'arrive juste en dessous, peut-être que je pourrai la saisir. Ne bouge pas, Nan. Reste là, tu m'entends? Elle serra les dents, se mit sur son pied et demi et s'aventura sur l'étroite corniche humide et glissante. Encore un pas glissé, puis un autre. Courage, ma fille, marmonna-t-elle, le nez frôlant la paroi rugueuse. À l'approche de l'ouverture, elle sentit le vent chargé d'une odeur qu'elle ne connaissait pas. Ce vent lui donna un regain d'énergie et l'espoir de retrouver le monde ouvert et clair. Prudemment, elle se mit sur la pointe des pieds, malgré la vive souffrance qui tiraillait sa cheville. Retenant son souffle, la poitrine et la joue collées au plus près de la paroi, elle étendit le bras et ses doigts abîmés agrippèrent la lamière. Elle décolla légèrement l'épaule gauche, sa main plongeant dans la grande poche arrière. Elle eut un peu de mal à défaire les boutons pression pour en extraire la sangle qu'elle ramena sur son ventre, la coinçant entre la paroi et son corps. Le chapitre 7 d'une aventure extraordinaire de l'auteur Lycaon.